êtes assez fou pour l'écouter. 89-1. Yes. D'aujourd'hui, assemblage requis. Simon Fitzberti, quelque chose contre les hipsters, on en parle en phénomène. Oh, François Landry nous parle de politique. C'est assemblage requis, ça commence tout de suite. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Tu vois, François, tu fais les oh en arrière, il y a comme un choriste, genre, dans la chanson, non? Ouais. Oh! Wow! Oh! bienvenue à Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières, jeudi 3 novembre 2011, et moi, c'est Mathieu Plante. C'est pas ça qu'on veut savoir, Mathieu Plante. Qu'est-ce que ça va? On veut savoir qu'est-ce qui se passe avec Simon Fitzbé et les hipsters. Oh, ben, je sais pas. Tu m'as intrigué dans l'intro, là. J'ai entendu son opinion une fois de temps en temps sur les hipsters dans nos conversations de tous les jours, là. J'ai hâte de savoir. Je sais qu'il va, nous faire un aperçu, genre un genre de survol de qu'est-ce que c'est un hipster. C'est l'historique des hipsters. Mais je sais pas s'il va nous donner son opinion sur lui. Qu'est-ce qu'il pense de ça, tu sais? Je vais lui demander. Intéressant. Oui. Intéressant. Ça va être le fun. Ça, c'est vers les 8h. Oui, exactement. Vers les 8h30, François Landry, comme à chaque jeudi, nous parle de politique et ça brasse beaucoup présentement en politique. Oui, le nom de sa chronique aujourd'hui, c'est Pauline, Giuseppe et Legault, l'effet domino. Oh, OK. Oh, OK. Ouais. Ça va être intéressant. Je pense qu'il va faire une corrélation avec tout ça. Corrélation, une translation. Une translation. Ouais, avec le rapporteur d'angle. Non, pas de rapporteur d'angle. Pas de rapporteur. Juste avec son œil de lynx. Ah oui, son... oui, c'est chaud, hein? C'est mais... chaud. Comme mon front. Hein? Ouais, tu fais pas de la température. Non, sûrement pas. Non. Je pense que le va mieux. Bon, hein? Oh, ouais, je pense que oui. Et on se replace, on se replace. Oh. Toi, sinon, ça va? Belle soirée hier, tout. Me reposer. Non, ben tranquille. Ouais, exactement. Okay. Et puis le jeudi, comme tu le sais, soirée de télévision, je me couche plus tard. Donc. C'est quoi tes émissions que t'écoutes le jeudi soir? Le jeudi, c'est une bonne soirée de télévision pour moi. En fait, je commence tout ça avec un souper presque parfait si j'étais. Ok, peut-être si pas fini tout le souper. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Sinon, en fait, Infoman. Okay, oui. J'écoute Enquête aussi. Oui. Enquête à Radio-Canada que je trouve, ma foi, très bon. Ça dépend des sujets des fois, là, mais... La plupart du temps pertinent à souhait. Oui, c'est ça, exactement. Après ça, j'écoute L'Ultime Combattant. C'est quoi ça? Ultimate Fighter UFC, non? Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Une série, une espèce de télé-réalité avec des combattants de la UFC, les futurs combattants. Ouais. En fait. Ça joue sur quoi? TVA Sport. TVA Sport. Ouais, qui est débloqué jusqu'au... C'est vrai, hein? Je pense 30 novembre. Tu sais quoi? Hier, pour essayer de me remettre de mon rhume et relaxer un peu, et j'écoutais la télé aussi, et je suis tombé sur TVA Sport, que je savais pas que j'avais. C'était débrouillé. Puis c'est pas si pire que ça. Qu'est-ce que t'as écouté? Ça dépend des émissions. C'était une analyse de match, je pense. Puis une autre affaire avec Lucien. La conférence de presse. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. T'étais là-dessus, toi aussi. Je suis tombé dessus. J'ai pas resté là, par exemple, sérieux. Moi non plus. Je m'en foutais complètement, mais. Mais je trouvais ça très plat. Ouais. Tu sais, j'adore les conférences de presse. À la boxe, quand ça brasse, les deux sont un peu arrogants, mais celle-là. Non, je pense que non, j'ai vraiment pas trippé là-dessus. TVA Sport, une petite lacune, par exemple, que je trouve. Sûr. Arrêtez d'engager des goons pour décrire le sport. Goons étant des anciens joueurs. Ouais, ben, des durs à cuire. Ouais, ouais, des pipes. Les gars qui pètent des... Ouais. Je trouve ça... J'ai de la misère. Ouais. J'ai de la misère. Ouais, je peux comprendre. Moi, ce serait arrêter d'annoncer deux filles le matin puis des affaires de TVA à toutes les pauses. Moi, c'est ça qui me dérange de TVA Sports. Okay. Je suis tout le temps en train d'annoncer genre le vrai négociateur à LCM. Ah, OK, non, j'ai pas. Vois-tu, j'ai même pas remarqué. Mais souvent, moi, quand c'est des publicités, je change de poste. Ouais. J'aime mieux écouter d'autres choses pendant deux minutes. Que... C'est bien. C'est bien. C'est bien. Bon. Voilà, c'est fait. C'est dit. On l'a dit, François Landry, Simon Fitzbay, aussi la chronique CNX, évidemment. Et tout ce qui réussira à rentrer dans notre case de deux heures. Voilà. Alors, on commence avec Kid Sentiment, voici Si belle. Sur C'est fou! Tu es si belle que tu ne le sais pas. Pour toi, le ciel descendrait ici-bas. Tu es si belle quand tu ris aux éclats. Tu es la seule qui ne brille que pour moi. Pour toi, cela ne veut rien dire encore. Tu vis ta vie sans regret et sans remords. Pour moi, tout est un jeu. Et tu joues quand tu veux. Pour moi, tout est futile. Tout ça est inutile. Tu es si belle que tu ne le sais pas. Toi le ciel descendrait ici-bas. Tu es si belle quand tu ris aux éclats. Tu es l'étincelle qui ne brille que pour moi. Je sais pour toi cela ne veut rien dire du tout. Tu ris, tu pleures, tu souris et tu joues. Tu jettes ce que tu ne veux plus. Plancher sur la rue. Pour moi, tout est futile. Tout ça est inutile. Tu es si belle que tu ne le sais pas. Pour toi, le ciel descendrait ici-bas. Tu es si belle quand tu ris aux éclats. Tu es l'étincelle qui ne brille que pour moi. Pour moi, la vie derrière l'été, le vent. T'en confirmement, tu es si belle que tu ne le sais pas. Pour toi le ciel descendrait ici-bas. Tu es si belle quand tu ris aux éclats. Tu es la seule qui ne brille que pour moi. Je t'en doute tant d'avoir devant toi tout seul. Toutes ces journées, si ça n'est plus, c'est moi. Tu t'en fous et tu fais le tour. Pour toi, tout est futile. Tout ça est inutile. Tu es si belle que tu n'es. François, est-ce que t'as envie qu'on joue à un jeu? Vas-y donc. On va entendre Black Lips avec Raw Meat. Et j'aimerais ça parce que je l'écoutais au palmarès, c'est fou, l'émission où on diffuse les pièces des palmarès, tu connais ça? Ben oui. Et je trouvais que les paroles leur disaient quasiment que je chantais en français. Mais je trouve vraiment. Bon, parfait. Fait qu'on l'écoute et on arrête après chaque parole pour essayer de comprendre ce qu'ils disent. Non, pas ça par exemple, c'est juste l'autre avant, merci. T'as pas le pamphlet, hein? Non, y a pas de paroles dessus. Et ça, c'est dur, par exemple, ouais. Shippy quelque chose. Si t'as un ennui. Ouais, ouais, je dirais ça. Ou des soucis, appelle les intrépides. Sarah Cheeseburger DP. Ouais. Les folles et les. Non? Les copies. Ouais. Ouais. Es-tu un cocori? Ou aimes-tu les cocolis? Ou les brocolis? Les brocolis. Aimes-tu les brocolis? Ouais, ouais. Oh, trop dur. Blue, blue, blue, ça, évidemment, ça, on comprend. Ça, c'est en français. Ouais, ben, c'est ça. À date, on l'a pas pire. Tu sais, à date, c'est, on peut faire une genre de mise en situation, mise en contexte. Écoute, on peut changer ça à catégorie. De quoi, de catégorie? Ouais. Catégorie 2? C'est pas de l'anglo. C'est du franco. C'est du franco. Ah, c'est franco. Ah ouais? Ouais, fais ça. Ouais. Il y a un autre bout, là. Sweet, non? Non, sweet, fais toute ta comédie, je pense. Ouais. Une jolie stratégie. Ah, ou une jolie toile de lit. Hein? Mais, on comprend pas la même chose. Hein? Non, c'est ça. Mais peut-être qu'il parle de punaise de lit, mais tu sais, il y a un accent quand même. Punaise de lit, ouais. Ça fait ça. Là. Moi, j'abandonne. Ouais, ok. Je te suis. OK. Voilà, vous êtes toujours à Assemblage Requis. C'était notre petit segment... francophone. Francophone. Transférons de l'anglophone en francophone pour essayer... Un peu comme les radios commerciales font. Ils mettent une fille qui chante super mal le français parce qu'elle n'est pas du tout francophone. Mais ils la font chanter... C'est supposé être en français, ça. Puis ils cochent francophone. Franco. Notre quota vient de monter. Bravo. Pendant 3 secondes dans la chanson, c'est une fille qui chante en français. Mm. C'est le fun quand même pouvoir contrôler les règles. Hein. Ah oui. On aime ça. Puis ils font des montages aussi. Là. Ouais, des montages de chansons de moins d'une minute. Parce que aussitôt que ça dure moins d'une minute, c'est comme ça compte pas. Chanson, ouais. Fait que tu sais, tu peux mettre 3 pièces anglo dans 3 minutes, puis voilà un quota. Voilà des méchantes bonnes tunes. Et Colin, des bons extraits de tunes. De toute façon, c'est le seul extrait que les gens connaissent parce que quand les gens chantent des chansons de radio commerciale, ils chantent tout le même bout pareil. Ouais. Ils se rendent pas jusqu'au couplet, numéro 2. Ben non, ben non. Est-ce qu'on parle de technologie? Non, pas tout de suite. Non, ok, on continue. Blue, blue, blue. Blue, blue, blue. Blue, blue. Vas-y donc, parle-nous donc de chiptunes, Mathieu. C'est, ouais, c'est ça, c'est CNX. Quoi? .com. .com. Aujourd'hui, dans la chronique SNX, c'est évidemment la chronique la plus geek de la radio. On a plein de nouvelles pour vous très intéressantes. On commence avec Facebook. Mm-hmm. Ouais, des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique ont créé de faux profils Facebook avec lesquels ils ont réussi à voler des informations personnelles à de vrais membres. En créant 102 profils dotés de photos et de statuts qui semblaient légitimes, les chercheurs ont envoyé 5053 demandes d'amitié à des membres de Facebook. En 6 jours, 976 personnes avaient accepté ces demandes, un taux de succès de 19,3%. Déjà. Par la suite, les chercheurs ont envoyé des demandes aux amis de leurs amis, obtenant alors un taux de succès de près de 60%. Donc, tu sais, quand t'as des amis en commun, ça va mieux. Ça fonctionne pas mal toujours, ça. Plus une personne avait d'amis sur Facebook, plus elle était susceptible d'accepter la demande d'amitié d'un de ces robots. Environ 250 gigs de données personnelles ont été volées à plus de 3000 personnes au cours de l'étude, parmi lesquelles figuraient 500 000 dates d'anniversaire et 50 000 adresses de courriel. Pour parvenir à leur fin, les chercheurs canadiens ont créé un réseau zombie de faux profils Facebook, à l'image des réseaux d'ordinateurs zombies qui servent à transmettre des virus informatiques. Ces réseaux sont appelés des social bots, donc robots et social. Hein? Pas besoin d'expliquer. Pour mener à bien leur étude, les chercheurs ont créé 102 de ces social bots qui étaient contrôlés par un logiciel. Leur statut était généré automatiquement en allant chercher sur le web des citations de gens connus.

êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. À 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Toujours avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante jusqu'à 9h. Oui. Non. Simon Fitzbé qui s'en vient. Hey, Sim Fitz. Sim Fitz, aux alentours de 8h. Et ensuite, Franlan. François Le Franlan. Le Franlan. Le Franlan. Franlan. Non. Non? Non. Non? Non. Non? Non. OK. Non. Bon. Au bijou? Au bijou. Niagara. Niagara. Niagara, monsieur parle français. This poison cup, the scar on Propofol. Propofol. Propofol. Propofol. Paul, Paul Carniello. Non. Propofol. T'es prop, Mathieu Blanc. Merci, Colin, pareillement. Merci. J'ai pris ma douche ce matin. Ah, cool. Le matin, moi, je suis pas capable le matin. Non? Ah, prends trop de temps. Trop de temps? Trop de temps. Trop de temps. Je me lève déjà de bonne heure, je trouve, pour avoir, je me lève à 5h20, ouais. Genre. Tu viens me chercher à 6h45, c'est comme beaucoup trop long. Ouais. Puis si je prenais ma douche là-dedans, ça me prenait 3 heures de préparer, non? OK, parce que ta douche dure quoi, 2 heures? Non, non, mettons 20 minutes en tout, là, le temps de se sécher puis de s'habiller après. Non, qu'est-ce que tu fais dans la douche? Rien. 15 minutes. OK, c'est ça que j'ai envie. Ferais. Le temps passe vite dans le temps. Non, le temps passe vite. Et surtout le matin, tu mets ça chaud. Ouais, ben, c'est ça. Moi, des fois, je reste longtemps au-dessus du chaud dans la douche. Je te comprends. Moi aussi, des fois, ça m'arrive. Fait que pendant que vous effacez ces images de votre imagination, s'il vous plaît, voici la collègue. Ça existe, mais ça devrait répondre là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. C'est la chronique où on vous présente des solutions à vos problèmes. Et si vous n'avez pas ces problèmes-là, ben on vous les crée. Ouais. C'est un peu ça. Gracieuseté, Mathieu Plante. Ah, ben ça me fait plaisir de vous servir comme ça. Hein. Je suis votre humble serviteur. Humble. Par moment. Vas-y. Fatiguant. Premier problème. Ouais. Je l'ai. Moi, ce problème-là, je l'admets, je l'ai. OK. Fait que tu vas l'acheter. Peut-être. Ouais, peut-être. Tu joues. C'était le problème. Ouais, bah. Vas-y. Les problèmes de la vie, si on fait. Ça va coûter cher, là. T'as un iPhone, t'as un appareil, peu importe lequel, tu peux avoir un Android, n'importe quel genre de téléphone, cellulaire, ok, tu joues à des jeux dessus, mais tu joues à des jeux où il apparaissent des boutons à l'écran, tu sais, là. Ouais. Pas juste des jeux où tu dois toucher, là, mais des jeux où c'est gauche, droite, AB, mettons. Bon. T'as pas de bouton physique, donc c'est difficile, puis là, ça cache l'écran en plus avec tes doigts. Tu trouves pas? Ouais. Moi, je trouve que oui, en tout cas. Donc, tu peux changer ton smartphone en machine de jeu vidéo qui se contrôle correctement avec le Eye Control Pad. Ça se connecte à votre téléphone par Bluetooth. Donc, vous pouvez l'utiliser pas n'importe, avec n'importe quel téléphone, mais en plus avec un ordinateur tablette ou un ordinateur de bureau, n'importe quoi. Et ça vient avec un genre de petit bâtonnet. D'accord? À la place d'être fait pour un téléphone et de devoir acheter le modèle spécifique à ton téléphone comme d'autres accessoires, il y a une genre de clamp là, tu sais, qui va venir s'accrocher aux deux appareils, à la manette et à votre téléphone. Et après ça, tu serres ça et puis ça tient. C'est vraiment très, très bien. Et si tu utilises un slim case, là, tu sais, un skin avec ton téléphone, ça va sûrement fitter aussi avec la clamp. Ah. Bon, je trouve que l'idée est très, très bonne. Non, c'est une bonne idée. Ouais, il y a une batterie de 1350 mAh dedans. C'est ça, mAh, là? En tout cas, qui va faire fonctionner votre télécommande, mais en plus, ça va donner plus d'électricité à votre téléphone via USB, sauf avec un iPhone, évidemment, parce que tu n'as pas de prise USB sur un iPhone. Le contrôle a deux analog knobs, donc des petits genres de joystick là-dessus, au milieu. Il y a aussi 6 boutons normaux, un D-pad, les flèches, 2 boutons à l'arrière et compatible avec des centaines d'applications iPhone et Android. Vous pouvez avoir la liste sur via assemblagerequipe.com. Ça coûte $75 et ça inclut une petite puce à l'intérieur avec un firmware dessus, donc un logiciel qui est inclus dedans, qui peut être mis à jour plus tard. Donc, si jamais il y a des changements de fonctionnalité, ça va être disponible pour vous. Donc, $75, je trouve que l'idée est vraiment très, très bonne. Ça reste cher pour ce genre de choses-là, ouais. Quand même, mais l'idée est vraiment excellente, je trouve. Le prochain n'est même pas un gadget. D'habitude, c'est souvent des gadgets. Là, ici, c'est quelqu'un qui a fait ça à la main, donc on peut pas l'acheter. Okay? C'est très cool. T'as vu, hein? Ouais. OK. Ben, expliquons-le un peu. C'est des gens qui voulaient pas donner des bonbons nécessairement ou accueillir des enfants dans leur maison pour leur donner des bonbons. Donc, il y a des escaliers qui mènent vers leur maison. Ils ont installé un tuyau de PVC. D'accord? Et au bout de ça, ils ont mis une genre de grille en forme de toile d'araignée et une citrouille, mais un seau décoré comme une citrouille. Et là, quand il y a des enfants qui passaient, ils pouvaient lancer des bonbons dans le PVC, ça tombait dans la citrouille, puis les enfants pouvaient les prendre et les mettre dans la leur. C'est cool, c'est très cool. C'est une bonne idée. Ouais, j'avais pas ça, cette idée-là. Allez voir les photos et faites-vous-en un vous-même, peut-être, sur assemblagerequipe.com. Bon, ça pourrait se vendre facilement, ça fait. Ouais, mais tu sais, c'est tellement spécifique. Ouais, mais en même temps, c'est tellement spécifique à une maison. Ton tuyau fait la longueur. Vous, mais, ouais. La longueur. Mais coupable à la bonne longueur, t'sais. Ouais, c'est quelque cool. Chose de pas cher, ça. Ouais. Un tuyau de chez. Ben, un tuyau de PVC, c'est pas excessivement cher. Il faut que tu le décores toi-même. Là. Ben, décorer, il y a mis du steak tout le tour. Ouais, c'est ça. Hey, j'ai dit que les gens, c'est des paresseux. Ils veulent même pas ouvrir la porte aux enfants, là. Hein? Bon. Ouais. Des paresseux. Ou, tu sais, ils ont peut-être des choses à cacher. Peut-être. Mais en même temps, pourquoi vous éteignez pas votre petite lumière et vous répondez pas à la porte? Parce que t'as grand cœur quand même. Ah, je savais pas que tu pouvais. Les deux, ouais. C'est rare qu'on voit les deux, une combinaison des deux. J'aime ça. OK, tu vis dans un bunker, François? Non. Non, mettons, là, je joue le rôle d'un gars qui vit dans un bunker ou dans un sous-sol, demi-sous-sol, mettons. Oui, Mathieu Plante. Bon, t'as pas beaucoup de lumière chez toi, OK? Non. Ou peut-être que t'es même, tu sais, là, quand l'hiver arrive, il y a des gens qui viennent... Luminothérapie. Ils viennent de mauvaise humeur, ils ont besoin de luminothérapie. C'est un star, ça ressemble à un star très standard, tu sais, blanc, avec des petites lattes, là, puis t'as un petit bâton pour ouvrir et fermer. Mais sur, c'est pas, c'est juste ça. Dans chaque latte, OK, t'as des lumières LED. Dans chaque. Et la chose la plus cool, c'est que si tu vires le petit bâton, ça s'éteint. Ça baisse de luminosité jusqu'à temps que ça s'éteigne. Non? C'est cool, ça. C'est très cool. Ouais, mettons que tu vis dans un demi-sous-sol, t'as juste une petite fenêtre de genre 10-15 cm de haut, là. Mais peut-être plus que ça, en fait. Bref. Quand même pas trop haute. Comment ça vaut, ça? Mettre ce star-là plus long que ça. Ça dit que, c'est ça. La chose, là, c'est que si vous êtes intéressé par le produit, il existe, mais le prix n'est pas public. Donc, vous devez écrire au vendeur, demander le prix. C'est bizarre quand même, j'ai rarement vu ça. J'aime pas tellement l'idée, en fait. Ouais, c'est bizarre. Je trouve ça weird. OK, t'es genre à prendre l'autobus, OK? Ouais. Mais pour venir à la maison après avoir bu toute la nuit, toute la soirée? Non. Non? C'était jamais arrivé? Non. Bon. Ben, mettons que tu vis à Londres, parce que là, il va falloir que tu vives à Londres pour cette application-là, mais quand même, c'est une application qui va t'alerter avant d'arriver à ton arrêt. Débarque ici. C'est ça. C'est sur un iPhone, tu as le GPS, tout ça, donc avec iOS 5 et le Region Monitoring, donc tu peux simplement prendre l'autobus, dire à l'application où tu t'en vas, t'endormir, une alarme va te réveiller aussi où tu seras arrivé à ta station. Ça coûte 3$ Bus Checker, c'est le nom, mais c'est juste à Londres pour l'instant, malheureusement. En même temps, si tu dors dans l'autobus, bonne chance. Ouais, puis bonne chance que l'alarme de ton iPhone te réveille, non, parce que moi, c'est ça. Non, pas tant que ça. Non. Pas tant que ça. Celui-là, je l'achèterais encore une fois. Ça arrive dans cette chronique-là qu'il y a des affaires que j'achèterais. Tu sais, quand t'as, mettons, un ordinateur, un Mac, OK? Mettons que t'es super Apple, c'est bon. T'as un Mac, t'as un iPhone ou un iPad, des trucs comme ça. Ou même d'autres appareils USB dans ce cas-ci, mais entre autres, un MacBook. Donc, ta petite brique, ta power supply, ton power supply que tu branches dans le mur, il y a un petit genre d'adaptateur que tu mets au bout, que tu peux mettre au bout, pour avoir soit le fil qui mène vers le mur ou encore juste une prise. Une prise USB, comme? Non, une prise pour brancher dans le mur. Tu peux comme raccourcir le fil de ton MacBook avec un petit adaptateur qui vient avec l'ordinateur. Donc, c'est une affaire changeable. Tu peux aussi mettre une prise européenne si tu vas en voyage. Tu peux acheter plein d'affaires, des petits embouts qui vont après ton power supply. Donc, ici, ce qu'on t'offre, c'est un gadget rouge. Ça s'appelle le plug bug. Tu débranches ton adaptateur, tu mets ça à la quoi? Place. Le plug bug. Plug bug. Et tu remplaces ça par, oui, comme tu l'as dit, une prise USB. Donc, la prise USB pour ton appareil va aller... recharger. Elle va tout va recharger beaucoup plus rapidement parce que ça nous dit que c'est 10 watts, cette affaire-là, le petit adaptateur. Donc, ça veut dire que votre iPhone et votre iPad vont charger beaucoup plus vite que si tu branchais simplement ton iPhone ou iPod Touch dans ton MacBook directement dans un port USB. C'est beaucoup plus lent par port USB. Bon, ça coûte 35$. Donc, wow, tu sais, c'est quand même bien. Ouais. Tu vas en acheter un? Je sais pas. Il y a des belles affaires que j'ai que j'achèterais et que je les achète jamais, mais ça serait pas pire. Ce serait une bonne idée. OK. Tu manges de la nourriture, François, ça t'arrive fréquemment, j'imagine, manger de la nourriture. Ouais. Mettons des mecs coquettes, quelque chose comme ça. Tu trouves que ça n'a pas assez l'air de luxe? Tu sais, t'aimerais ça pouvoir manger du caviar ou des affaires de luxe comme ça, mais tu peux juste te permettre de des mecs coquettes. T'sais. Pourquoi ne pas les peinturer or? Okay. Ou bleu, ou rouge, ou grise. Avec du colorant? Du colorant en spray. Wow. En spray. Ça s'appelle Food Finish. Donc, vraiment, c'est comme du fini. Comment t'appelles ça? Tu sais, sur un plancher, quand tu shines ton affaire ou sur ta table, là, tu finish. Là. Comment t'appelles ça en français? Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Du fini quelque chose. On comprend. Là. Donc, c'est sécuritaire donc pour manger. C'est complètement safe, comme on dit. Et ça n'a aucun goût. Donc, pour environ 35$ américains, vous pouvez avoir un steak chromé, peut-être. Hein? Ou des frites bleues. Poutine avec le fromage rouge puis les frites grises, non? Peut-être. C'est c'est du trouble. C'est un peu comme le ketchup mauve dans le temps, là, pour enfants. Ça rend rien appétissant, ça, le ketchup mauve. Non. Maintenant, côté senteur, tiens. T'aimerais ça avoir une senteur régulièrement, mais tu veux pas acheter les Glade plugins, des affaires comme ça qui te font des push à chaque quelques minutes. Puis en plus, tu veux pouvoir choisir ton propre parfum. Tu peux même mettre le parfum de ta copine si tu voulais, si tu l'aimes, ou le parfum de n'importe quoi. C'est le Smell It, le Orly. C'est un genre de clochette, finalement, de senteur, parce que tu peux la mettre à une fréquence que tu décides. T'sais, et ça peut être aussi par rapport à, mettons, tu reçois un tweet sur Twitter ou un like sur, je sais pas, Facebook, n'importe quoi. Tu peux le synchroniser avec plusieurs applications ou à intervalles déterminés. Et la senteur, c'est vous qui la décidez. Ça peut être l'essence d'agrumes, ça peut être du gin, ça peut être votre parfum préféré, n'importe quoi. Et ça, on insère la fragrance dans un genre de petit cabaret de plastique sur le côté. Alors, il n'est pas encore sur le marché, mais ils essaient de ramasser de l'argent pour pouvoir le vendre. Vous pouvez vous inscrire pour savoir quand ça va être prêt. Ou encore, vous pouvez aussi ne pas le faire. La DOT, juste DOT, D-O-T, ouais. C'est vraiment génial. C'est une façon de brancher, dans le fond, avec un petit morceau de plastique sur votre iPhone, encore une fois, pour prendre des, c'est comme un genre d'objectif pour prendre des photos à 360 degrés. Sans avoir à prendre plusieurs photos et à les rattacher ensemble. Parce que ça existe déjà pour l'iPhone et d'autres téléphones Android, mettons. Ouais. Prendre plusieurs photos, ça va analyser ça de façon super intelligente. Et là, tu vas pouvoir avoir un 360 degrés. Je l'ai vu en train d'utiliser. Ça m'a impressionné. J'ai trouvé ça vraiment cool. Vers le haut, vers le bas, de tous les sens. Mais ici, le DOT, tu le mets sur ton iPhone 4 ou 4S. Tu télécharges l'application Looker, d'accord? Et t'enregistres en 360 degrés du vidéo. Autour de toi, du vidéo, François. Donc, tu peux enregistrer, disons, un spectacle de musique et le public. Mais c'est impossible que ça soit à 360 degrés. Va voir la vidéo. C'est impossible, Mathieu. 360, c'est tout le tour de toi. Ouais, c'est 180, d'après moi, il y a une erreur. Parce que... Non, c'est vraiment du 3... Va voir la vidéo, pour vrai. C'est parce que, dans le fond, l'objectif est comme mis sur l'appareil photo de l'iPhone, mais tu tiens l'appareil photo comme à l'horizontale, tu comprends-tu? Tu tiens l'appareil comme dans tes mains à l'horizontale, comme un sandwich. Mais ça tourne autour de toi. Mais ça va sûrement prendre ta face éventuellement. Mais tu peux le tenir en haut de ta tête aussi. OK, ça tourne autour de toi. Ça tourne autour. Va voir la vidéo pour vrai, parce que la vidéo, en temps réel, tu peux la pogner et la virer. Ouais, non, mais... On voit les pattes du gars qui se sert de la caméra. OK, c'est nous autres qui virent. Bon, là, tu vois. Attends un peu, ouais. Tu peux virer avec la main. Clique sur la vidéo, vire avec la main. Ouais, c'est ça que je fais. C'est vraiment hot, là. Ça a l'air bizarre comme ça, mais c'est ça. Très impressionnant. Très impressionnant. Comment? Tu tiens l'appareil dans ta main à l'horizontale, puis tu fais juste la caméra à l'intérieur. J'imagine l'objectif doit tourner lui-même en temps réel. Je sais pas trop quoi. Non, mais je pense qu'il y a sûrement, je sais pas, j'ai aucune idée comment ça fonctionne, mais en même temps, en tant que ça marche, me fait impressionner. C'est très, très, très rare. Ça coûte 79$, donc moi, je pense que ça va être la prochaine mode. Je pense bien. C'est trop cool, ça peut pas marcher. Très, très cool. C'est très, très génial. Ce système optique catadioptrique unique avec plein d'affaires, là, fidélité de couleur dans tous les environnements, très très léger, ne demande aucune batterie, aucune électricité externe, ça vient avec une poche de microfibre qui est aussi un nettoyant, dans le fond, c'est la petite poche, tu mets l'appareil dedans, mais tu peux aussi nettoyer ta lentille avec ça. Fantastique. C'est mon préféré là, je pense. Tu fais du vélo. Ouais. Tu fais du vélo et au printemps ou à l'automne, il y a beaucoup de pluie, de la bouette dans la rue, des fois de la slush au début de l'hiver, OK? Mm-hmm. Mais tu veux pas avoir un fender sur ton fender patente là, sur ton vélo, là, sur ton pneu en arrière pour parce que tu sais, la plupart du temps, t'es correct, t'en as pas besoin. Donc c'est une plaque de plastique que tu peux emporter n'importe comment, comme ça, pas attachée. Et après ça, tu peux la déplier, là, genre l'arranger pour que ça fasse un fender sur ton vélo avec des clips. C'est la compagnie Full Windsor qui fait ça. Ils appellent ça le Quick Fix, un morceau de plastique plat qui se plie en fender, s'attache via des clips, comme je disais. Pour l'instant, on dit que c'est un vrai produit qui devrait être sur le marché très bientôt, surtout que Full Windsor va être capable de trouver un distributeur pour ça. Mais je trouve que l'idée est bonne de pouvoir enlever ton fender, le plier en morceaux, sac à dos, ou tu es dans la petite poche. Ouais, mais en même temps, si tu pars le matin, tu sais, mettons, il mouille, tu t'en vas un bicycle. Mm-hmm. Tu t'en viens, mettons, ici à l'UQTR. Ouais. Bon, ben, parfait, mais tu sais, tu l'amènes pas avec toi. Là. Ouais. Tu sais, tu le laisses après. Là, dans c'est comme un parapluie, tu traînes pas ton parapluie en tout temps. Ben. S'il mouille, si ça dit à la météo qu'il va mouiller, t'amènes ton fender. Un peu comme t'amènes ton parapluie. Ouais, c'est ça. Ou à la limite, tu le laisses après. Ouais, ben là, tant qu'à ça, mettons un vrai fender. Ben oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'ils veulent pas avoir de fender parce qu'ils trouvent ça laid sur un vélo. Ouais. Mettons. Ouais. Mais je t'ai dit qu'on réglait des problèmes qui étaient un petit peu. Ouais, qui étaient un peu bizarres. T'as des Lego. On termine sur deux petits derniers. Tu as des blocs Lego, mais tu veux pas les classer par couleur, premièrement. Mais tu sais jamais où trouver les pièces de la bonne grandeur. T'sais. Ça arrive, ça, c'est vrai, ça? Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est très cool ça. C'est Box 4 Blocks qui utilise une série de boîtes avec une grille au fond de chaque boîte. Donc ça s'empile comme des Legos ces boîtes-là. La boîte jaune en haut, tu dompes tous tes morceaux. Vraiment, t'as pas besoin de travailler pour là. Tu dompes tes morceaux dans le bac jaune. Tu brasses ça, shake it like a Polaroid picture. Et puis les morceaux de 1, mettons, vont descendre dans la dernière boîte en bas. Les morceaux, tu sais, de plus en plus grands vont. Ouais, les plus petits se ramassent en bas. C'est ça. C'est comme un tamis. Hein? Un tamis? C'est ça un tamis pour ouais. le sable? Ouais. Bon, ça ressemble à ça. C'est comme un tamis. Pour 40$, vous allez pouvoir mettre entre 1500 et 1700 de vos blocs préférés. Évidemment, dépendant si vous avez pas mal des morceaux de grandeur. S'il y en a plus de l'un que de l'autre, ça va peut-être aller mal. Mais bon. C'est quand même cool. Ouais. 40$. Et on termine avec un jouet pour les amateurs de chats, je pense. Hein. Par contre, c'est pour les petites voitures électriques. Parce que c'est plate de contrôler des voitures électriques avec une télécommande, François. Ouais. C'est plate. Donc, à la place de les manipuler avec une télécommande, pourquoi pas une sorte de fusil laser pour pointer dans la direction où on veut que la voiture se dirige? Hein? La voiture va détecter le pointeur laser et va se jeter dans sa direction. Pareil, comme un chat. Hmm. Les chats sont tellement excités par ces affaires-là, c'est ridicule. Je sais pas si ça fonctionne bien. Je sais pas. 40$ sur Internet, donc allez voir assemblagerequis.com. Je sais pas, j'imagine comment... Ça doit pas, tu dois pas pouvoir aller à une distance là, trop, trop loin. Trop, trop... Je sais pas. Hein. Ouais. Ça a l'air à vouloir sauter partout, ça, là. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, c'est ça, si t'as un chat, là, c'est le chaos total, là. Voyons, non. Le chat part après ça, t'as ouais, le ouais, char, ouais. Là, puis, tout le monde se fonce dedans, un accident, là, tu... Ça coûte 40$ quand même. C'était la collègue, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Fantastique, merci Mathieu. Fantastique. On aime ça. On adore cette chronique-là. Les beaux produits, là. Ah, c'est divertissant à soi. Oh, mais ça. Capote. Bien dit, François. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt avec, dans la deuxième heure, Simon Fitzbé, sa chronique Phénomène. Exactement. Et vers 8h30, François Landry et sa chronique Politique. Un nous parle des hipsters et l'autre nous parle de Pauline Marois. Devinez quel va avec lequel. C'est selon. Mais pour l'instant, c'est l'info campus. C'est là. C'est assez fou pour l'écouter. De retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées, l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité et qui construit votre moustache à travers le mois de novembre pour le Movember. On se pousse des moustaches un petit peu partout sur le corps. On dit le mois de Movembre en français. Movembre, vous êtes pas obligé de dire Movember, Movembre, ça fait la job. Ah, ben je savais pas, c'est cool ça, c'est cool. Ouais. Moi au début, avant qu'on commence à en parler partout dans les médias, j'étais sûr que c'était Movember parce que pour moi, M-O-V, ça peut pas être Mov en anglais, c'est Movember. Dans ma tête, c'était ça. Ah. Mais c'est Movember. Parce que moustache en plus, tu sais, en anglais aussi, c'est plus moustache. Ouais. Ouais, mais c'est M-O-U quand même. Ouais, c'est ça, mais c'est écrit M-O-U, tu sais. Ah, bizarre. Hein? Ouais. Pas grave. Fais-tu pousser une moustache? Ben, moi, je voulais le faire, ouais. Mais il fallait qu'il y ait une condition sine qua non à ce que je me rase juste les côtés de la tête, me faire un genre de molette. Puis la femme est entrée en veto. Ça n'a pas passé au conseil? Non, ça n'a pas passé au conseil. J'imagine que non. Hein. Mais que non. Peut-être que je vous rattraperai éventuellement. J'ai déjà une bonne longueur d'avance. Oh, oui, je pense que oui. Mais pour avoir pour les règles de Movember, ouais. À la fin du mois, tu vas devoir tout couper le reste, là. Non, t'es pas obligé. Ah, non, pas sûr. Ben, t'es pas obligé de couper. Ben, déjà, moi, je suis en retard. Faut que tu sois rasé le 31 octobre. Moi, c'est ce que j'ai fait. 31 octobre, je me suis rasé. Tu vois comment ça pousse pas, là. Du 12-12. Moi, ça pousse trop vite. Ouais. Je me suis rasé hier, puis... T'es comme un ours, quoi. Ouais, c'est ça. Exact. Comme Homer Simpson, quand il se rase. Ah, oui. Tout de suite après. Fantastique. D'accord. Ça, c'est Simon Fitzbé. Oui. Et sa chronique s'appelle Phénomène. Oh! Bonjour, Simon. Bonjour, messieurs. Bon matin. Hey, bon matin à vous. Ça, ça va, va bien? Oui. Petit doigt. tu me donnes des bonbons aujourd'hui. François aussi a amené des bonbons. Donc, je suis seul à ne pas avoir amené des bonbons. Ouais. Toi, on a acheté une cinquantaine de pièces de bonbons chaque. Ouais. Toi, Mathieu, t'étais un Scrooge de bonbons. J'ai pas pensé. Tu les gardes pour toi. Ouais. Ça, c'est vrai. Dans ton armoire à bonbons. Ah, ça, je te cacherai pas le fait qu'on a au moins une tablette dans une armoire de bonbons. C'est pas une armoire de bonbons. Toi, est-ce que ton rêve, c'est de faire justement comme Scrooge McDuck et avoir comme un gros coffre-fort, mais rempli de bonbons pour pouvoir nager dedans? Cool, maintenant que t'en parles, oui, c'est mon rêve. Tu me connais bien. Quelle sorte de bonbons t'as acheté, que vous avez acheté? Moi, c'est des jujubes santé, entre grosses parenthèses. Des jujubes santé, hein, ça se dit, ouais, ça se fait? C'est sont bons, des, par exemple. Oui, ben, c'est pour pas nommer la compagnie. C'est une compagnie de jus qui commence par Sun et qui finit par Kist. Environ. Ouais. Mais c'est sans gluten, sans peanut. Donc, si vous avez des enfants en bas de 5 ans qui sont tous allergiques aux peanuts, ben. Bonbons, des jujubes aux peanuts avec des peanuts? Pas des jujubes, non, mais c'est que. Il peut avoir des traces. Faut pas les mélanger. Dans la même usine. Ouais, ça doit être fait dans la même usine et tout. Faut pas les mélanger. D'ailleurs, j'ai acheté aussi un paquet de sortes de chocolat assorti. Ouais. Et il y avait celle qui était sans peanuts, qui était emballée dans un sac. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. J'avais des bonbons dans le même emballage. C'était comme un variety pack. Là, qu'il y avait juste certains bonbons qui étaient dans des sacs. Le reste, c'était comme dans des boîtes. L'autre était dans une boîte, dans un sac. Ouais, c'est pour ça. Eh bien. J'ai aussi acheté des roquettes et autres trucs. Bon, moi, ça, les roquettes, je pense c'est mes bonbons. C'est les bonbons préférés de bien du monde. Ça se démode pas du tout, ça. Ça surexcite les gens. En tout cas, dimanche, là, il y a eu des bonbons qui ont été distribués au sein de la GEQTR et il y avait des officières qui étaient très, très excitées à la fin. Pas excité dans le sens d'excité, mais excité dans le sens qu'ils couraient partout. Simon, on t'a pas demandé de préciser. Là. Ben, je pensais que c'était important de préciser. Ouais. Est-ce qu'on peut nommer leur nom? Non. Ah, donc, les bonbons, on aime ça et je suis bien content de voir que même si l'Halloween est rendu compliqué avec les allergies, que c'est les compagnies qui s'en font pour ça et non pas nous. Exact. On n'a pas à rien faire, non. Arrête donc ça. C'est bon, aujourd'hui, tu nous parles de gens qui peut-être vont passer l'Halloween parce que c'est ironique de la passer, mettons. Dans le genre, ouais. Dans le genre. Ouais. Parce que, écoutez, messieurs, je suis pas raciste, mais par contre, il y a un type d'être humain. Quand tu commences une phrase par je suis pas raciste, d'habitude, c'est plutôt. Voici une phrase ça raciste part bien. Qui va non, suivre. Mais écoutez, c'est parce qu'il y a un type d'être humain qu'on peut pas encore qualifier de race à proprement dit qui m'énerve. En fait, dire qu'il m'énerve, c'est un peu léger. Ces gens-là m'énervent. Carrément. M'énervent. Et je crois que le québéquisme s'impose lorsqu'il faut parler de ce cancer de la société et de la culture, ce virus intuable et fortement contagieux qui pourrisse la vie ainsi que nos beaux internets, en plus de s'accaparer plusieurs styles de musique et sans parler, de la Pabst Blue Ribbon. Et de la Labatt 50. Ouais. Encore une fois, par ironie, là, pour la boîte par ironie. Ben, oui, mais c'est ça. Il s'agit, bien sûr, des ignobles hipsters que je déteste tant. Je suis pas capable, franchement. Là, ils m'énervent, ces personnes-là. Ils m'énervent. Et ça, on peut définir ça comment, un hipster? Ben, justement, je vais en parler dans quelques instants. En fait, c'est que leur origine, je vais commencer par leur origine, ça remonte à l'ère moderne. En effet, on retrouvait alors des dandies, des hommes raffinés, des hommes raffinés et élégants, donc qui étaient tenants de la mode du dandisme à la mode, dis-je, en Angleterre au 18e siècle. Baudelaire a d'ailleurs décrit les dandies lorsqu'il écrit « Le dandy doit aspirer à être sublime sans interruption. Il doit vivre et dormir devant un miroir. » Mais tu vois, ça m'apporte l'idée... Tu sais, la chanson « I'm a Yankee Doodle Dandy hein? ». Mm-hmm. Ben, ça vient de là, c'est ça? Oui, exactement. Je me demandais tout le temps, ça voulait dire quoi, c'est un Yankee Doodle Dandy? Yankee Doodle, Yankee, c'est New York? Oui, exactement. C'est un dandy de New York. Mais si on parle du concept que tu viens de nous définir, c'est pas plus un douchebag? Est-ce que hipster et douchebags, non? Je pense qu'il y a une racine commune aux deux. Ouais, et c'est celle-là. Oui, c'est ça. J'ai pas en fait, c'est que tu sais que douchebag, il y a 2 ans de ça, avant le début de la série télé Jersey Shore, un douchebag, c'était quelqu'un qui se lavait pas, qui était pas propre. Et c'était vraiment différent. Là, douchebag, c'est maintenant quelqu'un qui fait attention à lui, mais avant ça, c'était pas ça du tout. C'était contraire. Voire même peut-être trop attention à lui. Oui, c'est ça. Un metrosexual, mettons. Oui, genre, pire que ça. On pourra revenir sur le douchebag dans les prochaines émissions, je pense. J'aimerais ça. De toucher à ça. Mais avant de passer à la prochaine phrase, ce qui me dérange un peu, c'est que la description de dandy, tu dis que ça ressemble un petit peu à ce qu'on connaît maintenant sous le nom de douchebag, mais le mot dandy est maintenant appliqué pas mal à des personnes gays. Dandy. He's a dandy. Oui, mais je pense que c'est pas une bonne appellation parce que les dandies d'époque moderne n'étaient pas tous gays. Ouais. Et je connais des dandies maintenant qui ne sont pas gays du tout et même que ça fonctionne bien avec les filles d'être dandy à certains niveaux. Lorsqu'on a un diplôme universitaire. Les gens n'utilisent pas les bons mots aux bonnes places pour les bonnes choses. Oui, c'est ça. Ben, c'est un manque de culture et justement, je suis là pour redresser la situation. Une chance, hein? Ben oui. Donc, le hipster est un descendant du dandy. Ajoutez simplement le snobisme des beatniks, la fougue ironique de la contre-culture, ainsi que quelques éléments de hippies, vous retrouverez l'hipster parfait. Dans leur cas, l'épidémie a débuté à la fin de la décennie des naughties. Est-ce que vous savez c'est quoi les naughties? N-O-T-T-I-E-S. Non, je connais pas. Les naughties, c'est les années 2000. Les 80s, les 90s et les naughties. Moi, je l'avais vu épeler N-A-U-G-H. Ah, ça se peut, je sais pas. Les naughties, les années 00, les 00. Ouais, écoute, ça prend 30 secondes pour écrire ma chronique. Je me demandais si c'était comme ça que c'est écrit. C'était pas pour chialer du tout. Je pense plus toi qui a raison là-dessus. Pas grave. Mais bon. Bref, les hipsters sont des hommes et des femmes à la mode qui refusent de se conformer aux modes et normes sociales. Hein, déjà là, il y a un contresens. Par contre, alors qu'ils se disent non-conformistes, ils sont assez faciles à identifier. Et je vais vous montrer justement ce qui sont les principales façons d'identifier et de reconnaître un hipster selon le Hipster's Handbook. Il y a eu un livre d'écrit sur la mode. Okay. Oh, oui. Donc, ils ont l'air, entre autres, et ils utilisent dans leur palette de vêtements le pantalon skinny. Donc, tous les hipsters doivent porter le pantalon skinny. C'est obligatoire. Il faut que tu aies un pantalon qui te serre les cuisses. Exactement. Le pantalon est très étroit. C'est un must. Les hommes préfèrent généralement les jeans skinny noirs et les femmes les jeans skinny à taille haute. C'est ceux qui sont les plus hauts possibles. Un peu comme les soccer moms qui ont les pantalons avec les fesses qui doivent mesurer un mètre. Oui, exactement. Donc, c'est ce qui est vraiment à mode. La lunette geek aussi qui est essentielle. On a ça, toi et moi, quand même. En commun, non? Non, moi, c'est pas le même modèle. Non. Et je portais ça bien avant. Hey, attends un peu, c'est très hipster comme référence, hein? C'est ouais, ça? Mais j'ai-tu l'air d'un hipster? Voilà. Est-ce qu'on peut être honnête avec toi? Laisse-moi finir ma description. Ouais, c'est ça. Moi, je fais ça. C'est parce que nous, on pense que hipster, c'est quelque chose. Là, tu nous le décris dans les règles, fait que là, on va comprendre et on va pouvoir savoir que t'en es pas un. Ouais, exactement. Bon, parfait. Les lunettes geek. Donc, qu'ils aient le problème de vision ou non, parce que ça arrive bien souvent qu'il n'y ait pas de problème de vision. Je comprends ça. Les hipsters portent des lunettes geek avec donc une large monture noire ou brune, des lunettes qui ne passent pas inaperçues. Et c'est souvent des Ray-Ban. Et voilà pourquoi moi, je ne considère pas que j'ai des lunettes de hipsters. Mes lunettes sont quand même assez petites. Et je porte ce genre de lunettes-là depuis que je porte des lunettes, c'est-à-dire depuis 12 ans. Donc, je me considère pas vraiment comme un hipster à cause de ça, parce que j'ai voulu avoir des Ray-Ban et je trouvais que j'avais l'air d'un hipster. Et j'ai donc décidé de ne pas en prendre. Mais, hey Mathieu, tu comprenais, qu'est-ce que tu comprenais que les gens qui n'ont pas besoin de lunettes portent des lunettes? Je comprends ça parce que sérieusement, je me sentirais pas. Je dis pas que je serais beau avec des lunettes. Mettons que je suis beau avec des lunettes, c'est pas ça. Mais je trouve que je me sentirais pas confortable sans lunettes. On dirait que c'est pas moi, tu sais. Moi aussi, je suis d'accord là-dessus, mais j'ai pas besoin de lunettes. Ça fait tellement longtemps que vous en portez. Tu vois, un peu comme Drew Carey. Vous connaissez l'humoriste Drew Carey, Price is Right, etc. Mm-hmm. Bon, lui, il y a vraiment très longtemps, il s'est fait faire une chirurgie au LASIK, OK? Mais sa personnalité était basée pas mal sur ses lunettes. Mm-hmm. Les gens le reconnaissent à cause de ça. Regarder ses lunettes, mais il s'est fait faire une chirurgie. Et je serais du genre, si je me faisais faire une chirurgie pour pouvoir regarder la télé dans le divan, tu sais, en m'accotant sur le bras sans défaire mes lunettes, ça me dérangerait pas d'avoir une paire de lunettes pas chères, mettons, mais qui aurait pas de prescription dedans. Ça te dérangerait pas. Des lunettes de soleil où c'est que t'enlèves les lentilles, tout simplement. Mais j'aimerais qu'il y ait des lentilles dedans parce que t'as l'air d'un méchant naviste. T'as juste un frame de lunettes dans la face, là, mais t'as rien, pas tout. Mais bref, en plus des lunettes de geek, donc qui sont souvent des Ray-Ban, et ça, Mathieu, je sais que c'est ta sorte de lunettes. Mais pas en tout. C'est pas des Ray-Ban. Mais c'est le même genre, mais c'est pas... C'est des Giorgio Armani. Ah, mais c'est bien mieux. C'est bien plus cher. Mais quand même, il y a aussi les souliers qu'on dit Oxford. Donc, avec les pantalons skinny, les hipsters chaussent des souliers Oxford. On a le plus de chances de dénicher ces souliers-là à lasser dans les boutiques de seconde main. Mais de plus en plus de marques proposent une nouvelle version des souliers Oxford. Qui sont des genres de souliers en cuir avec un petit talon et qui finissent vers le haut. C'est-à-dire que ça pointe par en haut. Ouais, ça marche mieux peut-être faire le ballon. Je pense pas que ça marche très bien parce que les gens portent pas à part les hipsters. Ouais. Si ça marcherait bien, les gens porteraient. Ils en portent même si c'est pas confortable parce que il faut souffrir pour la boîte. Parce que c'est tellement ironique. Ironique. C'est comme un chandail avec des blues. Ouais, genre. Ça arrive. Et on dit aussi que les Converse, Chuck Taylor, peuvent aussi faire l'affaire. Mais c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a de plus en plus de gens qui portent ça. Donc, c'est trop à la mode, là. Ouais, exactement. Donc, c'est plus assez ironique. Il y a aussi la coupe de cheveux très importante. Les hipsters optent souvent pour une coupe de cheveux qui donne un look « je suis sorti du lit il y a quelques minutes ». L'apparence est trompeuse par contre parce qu'on voit beaucoup de hipsters avec des coupes de cheveux asymétriques et une frange de différentes longueurs. Ils préfèrent donc, ils fréquentent, dis-je, les salons de coiffure urbains. Les stylistes les plus créatifs osent de plus en plus avec eux. Donc c'est-à-dire qu'ils vont se faire couper des grosses couettes avec le restant rasé. Ils mettent du temps, là. Ouais, ils mettent du temps. Ils mettent du temps pour que ça ait l'air comme s'ils mettaient pas de temps. Ouais. C'est comme moi, mettons, j'ai les cheveux dans les airs, là, ben souvent, mais c'est juste parce qu'ils sont dans les airs. C'est le gras des cheveux. Donc, quand on voit un salon de coiffure qui dit salon créatif, parce que j'en ai vu un récemment à Trois-Rivières, c'est là. Ouais. C'est là. Faut que t'ailles là et que t'aies laissé. Salon créatif. Non, je ne sais pas. En tout cas, quand vous le verrez, vous le savez. Oui. Il y a aussi la motadine moustache. Et là, je dis pas ça pour Movember. Movember, je trouve que c'est... Movembre. Movembre. C'est, on est rendu francophone. Hein? Ouais. C'est une bonne cause, Movembre. C'est une bonne chose. Mais si vous voyez un jeune dans la vingtaine avec une moustache, c'est probablement un hipster. Ouais, au mois de juillet. Là. Ouais, genre. Entre décembre et octobre. Et c'est ça, ouais. Donc, la moustache fait un étonnant retour chez les hipsters. C'est pas tous les hommes qui l'ont adaptée, mais elle est bonne, elle est bien, belle et bien présente, dis-je, chez les hipsters purs et durs. D'accord. Maintenant, il y a le iPhone. Et bon. avant de vous entendre parler, c'est ça. il faut faire un lien. Relativise. Les hipsters doivent avoir un iPhone. L'iPhone est devenu un instrument le plus important du hipster. C'est son téléphone, okay. C'est sa vie, c'est là-dessus que tout... Toi, Mathieu, t'es un geek. Oui, ben c'est ça la différence. C'est que tous les hipsters ont un iPhone, mais tous les gens qui ont un iPhone ne sont pas nécessairement hipsters. Tous les carrés sont des rectangles, mais tous les rectangles ne sont pas nécessairement des carrés. Exactement. Ouais. Mais les hipsters ont tous des iPhones. D'accord. Et généralement, il faut que ça soit la dernière version. Ah, le 4S en ce moment. Le 4S. Il faut que tu aies toutes les applications possibles aussi sur ton téléphone. Et surtout les applications inutiles parce que... C'est ironique. OK. Exactement. La flashlight, le 15 modèle de flashlight, c'est pas assez. Ouais. Mais vous autres, de toute façon, vous avez des iPhone 3GS. On n'est pas à mode du tout, donc on n'est pas hipster. Parfait. Vous n'êtes pas hipster. Mais c'est donc bien compliqué d'être hipster. Ouais, je trouve que les critères sont nombreux. Ça coûte cher aussi. Ah, pour avoir l'air négligé, ça coûte cher. C'est incroyable. Et il y a la bière aussi. Le hipster est un amateur de bière, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit plus souvent de Pabst Blue Ribbon, une bière bas de gamme qui a été meilleure bière en 1893, ou la Labatt 50, une bière qui a gagné les médailles. Toutes les bières qu'ils boivent ironiquement, bien sûr, en plus de ça. Some purple leggings and a sailor tat. Just one gear on my fixie bike. Got a plus one here for my gig tonight. I play sick. We all play sick. 2020 vision, just a pair of empty frames. Dressing like a nut, although I never got the grades. I remember when the kids at school would call me names. Now we're taking over their estates. Well, all my friends are dickheads too. Come with me, let's be dickheads. Being a dickhead's cool. Being a dickhead's cool. Being a dickhead's cool. Being a dickhead's cool. Polaroid app on my iPhone. Taking pictures on London fields. Up on the blog so everyone knows we're having new age fun with a vintage feel. Coolest kids in a warehouse rave. Exclusive list, look, there's my name. I got in, you couldn't get in. Never bought a pack of facts, I only roll my own. Lugging in my laptop at the Starbucks down the road. Say I work in media, I'm really on the dole. I'm the coolest guy who'd ever know. Running my own magazine and it's all about my balls. We're putting on this rave in this abandoned mosque and all the proceeds are going to that thing that happened in the Middle East or Africa or whatever. Et c'était The Grand Spectacular avec la pièce Being a Dickhead's Cool. C'est terriblement britannique, tout ça. Dickhead étant l'équivalent anglais d'un hipster. Ouais, genre, ouais, exactement. Voilà. Et donc, c'est une chanson ironique, bien sûr. Ça a probablement été écrit par un hipster, puisque l'ironie, c'est l'âme du hipster. C'est ce qui le différencie d'un itinérant qui n'a pas de goût. Non! Ouais. Mais est-ce que les hipsters rient eux-mêmes des autres hipsters en se savant pas hipster? Ben oui, parce qu'ils sont pas hipsters. Ben non! Non, non, c'est tellement ironique d'être hipster. Ben c'est ça. Et donc, tout est ironique pour un hipster. Il est même parlé tellement... c'est conformiste. Donc, le hipster parle seulement avec des phrases ironiques. Il ouvre son marge patate, dis-je, uniquement pour critiquer quelqu'un avec un regard empli de jugement. Ouais, c'est super snob et élitiste, des fois. Ouais, exactement. Et même être hipster, ça coûte cher. Donc, effectivement, puisque le hipster a beau être déguisé avec des cols en V, des jeans beaucoup trop petits pour leur paquet, bref, parce qu'on boit tout. Et donc, ça coûte une bonne somme d'argent. Et il se regroupe généralement chez American Apparel et le Apple Store. Et encore là, si t'es un geek, l'Apple Store, ça va. Mais si t'es pas capable de rentrer une ligne de commande dans un Mac, ben là... C'est différent, surtout si tu tiens au Apple Store tout le temps. Donc, il fréquente des bars miteux où ils boivent des 50 à 7 piastres le verre. Et je parle pas d'une pinte, là, je parle d'un verre. Et ça existe, les places, c'est que ça coûte aussi cher que ça. Parce que c'est ironique, bien sûr. De plus, ils n'hésitent pas à mettre leur vie en danger en commençant à fumer lorsqu'ils sont hipsters. C'est-à-dire, tu as 25 ans, tu décides de devenir hipster, tu commences à fumer à 25 ans. Très brillant. Et donc, le plus frustrant chez les hipsters, c'est pas son hygiène négligée malgré l'étude que ça prend. C'est pas les lunettes à grosse monture ou bien l'air qu'ils se donnent dans la rue. C'est leur goût pour la musique. Les hipsters se font un point d'honneur à adorer les groupes obscurs qui ne sont jamais connus, qui seront jamais connus. Non, parce que si ça a des chances de devenir connu... Ah non, c'est trop conformiste. Oui. Là. Ils collectionnent les EP de noise et d'électro-funk. Tout ça, c'est obscur, bien sûr. Ils vont voir des groupes qui croquent des œufs crus et s'enduisent de faux sang pendant leurs prestations. Petit clin d'œil ici. Pourtant, malgré tous ces goûts musicaux tendances, ils partagent jamais leurs goûts et se contentent de critiquer ceux des autres. J'ai jamais entendu une musique des hipsters, moi, franchement. Les hipsters veulent pas qu'ils écoutent leur musique. Parce que c'est ça, ils en jouent pas. Mais non, le monde va aimer ça, tu sais. C'est tellement conformiste. Pourrait le partager avec d'autres amis. Ben non, mais écoute. Donc, bref, les hipsters ne sont pas nouveaux, mais restent une plaie pour la société. Ils portent un soin tellement important à détonner dans une foule en ayant l'air tellement différent qu'on peut pas les manquer dans la rue ou bien devant le Apple Store. Alors là, c'est un geek. Oui, pas pareil. Relativisé. Oui. On les remarque immédiatement sur les quais de métro ou bien sous les abribus parce qu'un hipster, ça a pas de char. Ça coûte trop cher de l'iPhone pour ça. Comme les hippies, les mods, les disco stews et autres modes de passage, les hipsters vont muter. On ne sait pas encore quelle forme des plus désagréables ils prendront dans le futur. Souhaitons seulement qu'ils seront plus tranquilles et moins voyants que maintenant. Qu'est-ce qu'il te faut pour que je sois ton beau mode? Un air de bœuf, une moustache pis une grosse couette. Qu'est-ce qu'il te faut pour que je sois ta belle femelle? Des beaux collants pis des grosses crises de lunettes LED. Cynique, faut que tu t'en crisses. Si tout d'un coup on est toutes fans de hockey avec des jeans trop serrés pis de la 50. Watch out, c'est l'Américaine à Paris qui t'appelle. Shoot-toi-les dons, ladies and party. Shoot-toi-les dons, ladies and party. Shoot-toi-les dons, ladies and party. Shoot-toi-les dons, ladies and party. Tu donnes l'or illégalement des tonnes américaines. Tu veux ton Québec? Hey, c'était Antoine Graton avec la pièce 80s Party, une pièce sur laquelle déverse tout son fiel sur les hipsters, qui ne semble pas aimer lui aussi. Ouais. Ouais, et je peux prédire que cette pièce-là sera un hit. Si c'est pas Assemblage Requis, ça va être au Dîner de Con. Ça serait chouette que ça soit aux deux. Sûrement aux deux, en fait. Ouais, ouais. C'est vraiment cool. Bien. L'album est paru sur iTunes donc le 1er novembre, c'est-à-dire mardi. Ça s'appelle Défendre le titre, La défense du titre, plutôt. Et il sera disponible en magasin le 15 novembre. Génial, on a toujours adoré Antoine Graton, assez fou depuis ses débuts, donc on va continuer de le jouer, c'est certain. C'est vraiment bon. C'est étonnant, en tout cas, là, palmarès. Ça va faire du bien du nouveau francophone, hein, parce qu'il se passe pas grand chose dans le palmarès francophone. Tranquille. Il y a de la disque qui vient de passer. Hein. J'ai fini. Attendre après. Ouais. Bon. Alors, d'accord. La semaine prochaine, les MP3, Simon. Oui, on va parler des MP3. Cette semaine, c'était les hipsters et on a fait le tour de la question. Maintenant, on sait qu'est-ce qui est quoi, qui quand, qu'est-ce qu'un hipster. Mais j'invite les gens à aller se renseigner parce que ça change, ça se mute et aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup de panels de hipsters. Donc, mais pour hipster, il ne faut, faut pas nécessairement avoir là, chacun des 14 millions de critères. Non. Ben, souvent, juste avoir une chemise carottée puis porter des casquettes des Yankees avec des Ray-Ban, ça peut. Pas des casquettes des Yankees, mais plutôt des White Sox de Boston avec une casquette. Une paire de Ray-Ban, c'est assez pour te faire traiter de hipster. Bon. Même si c'est plus beatnik que d'autres choses. Mais d'accord. on te retrouve à ton émission Catalepsie les lundis soirs. Oui. Et qu'est-ce qui se passe dans ta prochaine émission? Je sais pas encore. Ben, en fait, je le sais, mais c'est un secret. Une surprise. Oui, c'est une surprise. Ah, tu gardes-tu des cachettes, toi? Ouais. Ah, ben, si bon, c'est si bon. Mais c'est qu'il y a comme une émission dans la même journée qui marche aussi avec des thèmes, tu sais, qui est animée par deux jeunes filles, dont une que je connais bien. Puis. C'est comme j'essaie de pas leur marcher dessus, fait que là j'essaie de voir quels seront les thèmes de l'émission pour pas qu'on se quitte de la dite. Ouais, même si vous pouviez dessus une fois par exemple. Ça marchait pas vraiment comme blague, mais. Juste habillé en canard. D'accord. Donc, Catalepsie lundi à 20h, en rediffusion les mercredis à partir de 14h. Et maintenant, vous êtes synchronisé rediffusion et original. Donc, directement le surlendemain, c'est la rediffusion de l'émission du lundi. Génial. C'est plus clair et concis comme ça, je pense. T'as aussi ton émission Album Classique les vendredis matin à 10h. Oui. Demain. Oui, finalement. Et on va essayer de vous présenter un album assez incroyable du père de Brian Wilson. Si j'arrive à mettre la main dessus, là, ça va être ça. The Many Moods of Murray Wilson. Superbe. Et dans Rock Classique à partir de 11h, toujours le vendredi, c'est ta chronique. Les éphémérides du rock. Effectivement. Voilà, ça fait le tour. Oui. Merci, Simon. Merci beaucoup. Les gars. À la semaine prochaine, jeudi. À bientôt. 8h. Au revoir. Bon, on voit comme dans Je reste là pour la chronique politique quand même, là, mais on finit ta chronique sur une note comme un au revoir. Oui, c'est ça. Voilà. Je pense qu'on va parler de Pauline. Oh! Sacré Pauline. De Pauline, mais aussi de Duceppe et de Legault, l'effet domino. Avec François Landry dans quelques minutes, mais pour l'instant, on va une petite pause. C'est tellement ironique d'aller en pause. Ah, tellement. Vous êtes assez fou pour l'écouter. François Olivier, Mathieu Plante, Assemblage Requis en pièces détachées. C'est toujours à cette émission nommée Assemblage Requis. On fait prénom Assemblage, je pense. Oui, nom de famille Requis. Sinon, ce serait Requis, virgule assemblage. Ça sonnerait drôle, Je pense. Ouais. Avec Mathieu Plante. Plante, Mathieu. Ouais. Ouais. François-Olivier Marchand, François-Olivier. Fitzbay, Simon. Et là, qu'est-ce que tu fais avec ton... les bruits de... Ouais, on les entend pas tant que ça, je pense, les bruits. Hein? Je sais pas. On a besoin de WD-40. Non, je pense que oui. On va accueillir François Landry, un expert en WD-40, je pense. Non, en politique, je pense qu'il en aurait besoin des fois, non? Je sais pas. Ah, que oui. Je vais l'imiter parce que j'avais pas ouvert son micro. Des fois, blablabla. Et ensuite, joint en cours de route. Voilà, c'est moi. La magie du cinéma. Voilà. À la radio. Tu apparais. Boum. C'est Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Gang royal. Gang sister. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bon, Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante grippé. Merci. Oh, ouais. Fallait bien que ça m'arrive un jour, hein? Ben oui, écoute, t'étais le dernier des Mohicans du studio. Là. Le moins important que j'ai dit l'autre jour. Ah, en ordre de priorité, c'est si quand tu même. Le dis, si tu le dis. Mathieu Plante. C'est ça. T'as gagné, on est rendu là. La grippe s'est attaquée à toi, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Le plus résistant, peut-être? Je sais pas. Ouais. Pourtant, ouais, c'est ça, avec le nombre de tout le monde l'a eu, sauf toi, donc... Ouais, ouais. C'est ça. Félicitations à ceux qui vont nous suivre aussi, parce que là, mes doigts sur la console, là, la console, donné. Ouais. C'est ça. C'est de même, mais tu sais, j'ai sûrement pogné ça de quelqu'un qui anime assez fou de toute façon. Hein? Bon. Non, mais là, je vise personne, mais tout le monde autour de moi l'a eu, puis je m'adonne à l'avoir après. C'est comme hasard, là. Ouais. Bon. Donc, François Landry, aujourd'hui, on parle de Pauline, Duceppe et Legault, l'effet domino. Oui, pourquoi je les ai toutes mis dans un package deal? Oui. Parce que sont intimement associés les trois. Donc, l'effet domino, s'il y en a un qui tombe, ça va avoir un impact sur les deux autres. S'il y en a un qui reste debout, ça va avoir un impact sur les deux autres. Et s'il y en a un qui tombe, les trois peuvent tomber aussi. T'sais, ça serait le scénario catastrophique idéal pour les journalistes et les chroniqueurs. Idéal pour Jean Charest. Lui aussi, pour être happé, je ne l'ai pas mis dedans parce que pour l'instant, lui, il se tient en dehors de la glace. Il essaie de sortir, si vous regardez les nouvelles, il est très discret depuis, hein? Depuis le début de la commission l'omission d'enquête, pardon. On le voit plus. Parce qu'il laisse le champ libre à Pauline, à Duceppe et à Legault. Mais je comprends sa stratégie dans le sens où Pauline se plante pas mal tout seul. Elle fait rien puis elle réussit à s'auto-pelure de bananiser. Donc elle marche bou. Ça va pas bien. Mm-hmm. Non, ça va pas bien pour Pauline, ça va pas bien pour Gilles Duceppe et ça va pas bien pour Legault si ça va pas bien pour Pauline. En tout cas, je vais résumer le tout. François Legault a officiellement un parti politique. Ouais. Ça va s'appeler la Coalition pour l'avenir du Québec. C'est très original comme nom, c'est le nom de son mouvement. La CAQ. Mais ils ne veulent pas se faire appeler les caquistes. Ah ben, parce que ça fait... donne mal, mais c'est pas mal ça que le monde va faire. Là. Ben, on les appelle les caquistes, ben, ouais. Mais c'est trop à solidarité. Ils veulent qu'on les appelle les coalitionnistes. Les coalisés. Moi, dans ma tête, coalisés, ça me fait penser aux croisés du Moyen-Âge qui s'en vont combattre le méchant. Il y a bien du monde hein, qui disent que c'est la CAQ à Legault. Oui, aussi. La CAQ à Legault. La Legocratie. La CAQ à Legault. Cacaloco. Somebody, amigo. Mais bon, il a autorisé, le DGE, cette semaine, a autorisé la formation du parti politique. Donc, c'est fait. Enfin, les partis traditionnels, donc PQ et libéraux, vont pouvoir arrêter de dire cet argument fallacieux. On va attendre que Legault fasse son parti politique pour l'attaquer. Puis on voit. Faudrait qu'il se déniaise un moment donné. On savait qu'il était pour faire un parti politique. C'était juste le temps que le DGE regarde les signatures, regarde le financement et bon. Approuver tout ça. La procédure est normale. Donc là, c'est fait. C'est légal. Le 14 novembre, il devrait, en conférence de presse, lancer son parti politique officiellement. Donc, jusque-là, ça n'influençait pas sur y aura-t-il des élections ou pas cet automne, comme on avait parlé. Je vais revenir dans quelques minutes là-dessus. Et là, le 14 novembre, Legault dit ça serait le fun d'avoir... Il a lancé cette rumeur-là. Le 14 novembre, il dévoile son parti, mais d'ici février prochain, avoir 7 caquistes à l'Assemblée nationale. Le 14 novembre le 14. Mais là, ça serait le 14 février sûrement. En plein ça, donc, je regarde. C'est pour la Saint-Valentin, il aimerait bien ça avoir une lune de miel avec les Québécois. Parce que c'est le 14 février que recommence la Salle B nationale après les vacances des fêtes. Hey, ils ont-tu des vacances interminables, eux? Excuse-moi. Ben, je veux te dire, j'espère. Parce que je ferais pas cette job-là. Non. Mais non. Alors, sinon, tu fais 25 heures par jour, là. Ouais. Mais il veut, ouais, ça, pour l'attaché politique, là, c'est beaucoup de job pour l'attaché. Ah oui, on s'entend que c'est lui qui se tire une balle après deux semaines. Mm-hmm. Mais bon, le 14 février prochain, après de longues vacances, oui, vont revenir à l'Assemblée nationale. Et là, Legault dit « Je veux avoir 7 caquistes ». Et là, on se demande... Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible? Parce qu'il n'y aura pas 7 élections partielles de ce type-là. Et voilà. Donc, là, je vous amène à faire un calcul mathématique. Je sais qu'on est tous des doctorats ici, des doctorants en mathématiques. Regardez bien ce que Legault pense, OK? Donc, ça, dans sa... dans sa magnaménitude. Dans son imbu de lui-même, OK? Benoît Charrette, ancien député péquiste qui a démissionné, est maintenant indépendant. OK. Ça fait 1. On additionne 1. Il y a 4 députés de l'ADQ. Ça fait 4 plus 1, 5. Il y a deux autres députés indépendants qui ont claqué la porte de l'ADQ et qui ont ouvertement dit « Nous autres, on est prêts à rallier les caquistes Marc Picard et Éric Kerr. » Ça fait sept. Donc lui, Legault dit « Je vais aller recruter ces sept-là. Ils vont devenir les sept premiers députés caquistes et non pas les sept premiers élus parce qu'ils n'ont pas été élus sous la bannière caquiste. » Et donc, ils vont pouvoir porter le message. Donc, en devenant... ils vont pouvoir poser des questions. Avoir le financement qui leur est attribué, le temps de parole, parce qu'on sait que tant de minutes et de secondes qui sont attribuées et en chambre, et en commission, et en comité pour le nombre proportionnel de députés et de votes. Donc, en additionnant tout ça, ils pourraient devenir le troisième parti politique en importance au Québec sans jamais avoir fait une élection. Donc, c'est l'inquiétude. Avons-nous le droit? Oui. Est-ce que c'est éthique? Plus ou moins. Ouais, c'est pas interdit, mais disons que c'est pas... Les gens ont pas voté pour c'est le... C'est pas fair play. Ouais, c'est ça. Aller en élection, ou du moins, demeurer où ce que vous êtes, et au pire, les quatre ADQistes, démissionnez de l'ADQ, mettez ça à terre, puis soyez sept indépendants qui parlaient dans le même sens. Donc, ça serait la logique pour, du moins... préserver l'image de la démocratie au Québec. Oui, mais être sept indépendants, ça veut dire aucun financement. Un financement minimum, ouais. Mais il pourrait à sept avoir 3-4 employés, comme Marc Picard et Éric Kerr sont deux indépendants différents, donc un rapport d'impôt unique chacun, mais ils ont mis ensemble pour s'attribuer, s'engager un attaché politique qui est Pierre Morin. Et là-dessus, Pierre Morin qui est... il tire plus vite que son ombre et des fois, il tire plus vite que son cerveau réfléchit. Ah ouais. Okay? Il est rapide. Il est très rapide sur Twitter, Facebook. Il suffit juste que tu parles de politique. Il te répond, il te rentre dedans dès que ça fait pas son affaire. Et oh. Mathieu, Pierre Morin, c'est un type que tu devrais connaître. Okay. Toi qui es un geek de l'informatique. Un geek. Un geek, c'est ça le mot. Oui, oui. Je comprends. Moi, c'est la plus geek de la radio. C'est un malade mental de l'informatique. Ah, okay. C'est ça ma définition française de geek. Lui, il avait fait en 2007, je veux juste ouvrir une parenthèse ici pour Mathieu. Pour mon plaisir. Pour ton plaisir charnel et personnel. Oh. Lui avait créé une commotion dans la blogosphère. Il avait son blog de Pierre Morin, attaché politique de Éric Kerr, du temps qu'il était député de l'ADQ en 2007. Et il avait aussi un blog parallèle, pas anonyme, mais sous un sobriquet. OK, un nom de plume. Un nom de plume. Il avait fabriqué une personne morale, donc Élodie Gagnon. Donc, c'était une sympathisante adéquiste qui écrivait des blogs, qui pouvait rentrer dedans, qui pouvait varger sur les députés. Sous couvert de l'anonymat. Sous le couvert de l'anonymat, mais avec des renseignements internes. Donc, ouais. Il pouvait couler beaucoup d'informations sur le financement du Parti québécois, puisque lui, il n'est pas capable de sentir le Parti québécois, sur la manière de procéder, les rumeurs, les potins. Donc, il pouvait tout couler ça. Tout ce qui était habituellement en huis clos, il le coulait sur la toile. Et là, où ça devient intéressant pour les malades mentaux de l'informatique... Ben là, quand même, va pas jusque-là, là. Malades mentaux de l'informatique. Là. Ben, ceux qui sont fous. Ben, bref, un peu, là. Moi, je suis malade mental de politique. OK, okay parfait. Bon. Je suis un confrère. On s'assure. Un confrère, c'est exactement. Donc, la confrérie des malades mentaux. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Ouais, mettons. Et puis, donc, lui coulait l'information. Et là, c'est là que les blogueurs se sont dit, c'est louche. On va tenter de retrouver son adresse IP. Il y en a des vrais Lady Gagnon sur Facebook, oui. Je la cherche. Exactement. Mais tu vois, tout est fermé. C'est, ça, mais ouais. C'est Antoine Robitaille, le premier journaliste du Devoir, qui a révélé toute l'histoire, mais sans jamais avoir de preuves. C'est toujours des soupçons apportés par des blogueurs, des spécialistes de l'informatique. Ils ont dit l'adresse IP de ce blog-là provient de l'Assemblée nationale. Déjà là, ça resserre les... C'est bizarre. C'est un peu une technique du côté de la droite qui est assez fréquente. Il y a aussi un blog qui s'appelle antagoniste.net, puis t'as l'impression que c'est juste une personne, mais genre, elle pose 23 heures sur 24. Là. C'est ça, c'est un collectif qui a tout le même mot de passe, puis... Il s'appelle tout David. Ouais, entre autres. Et puis, relayé par le réseau Liberté, puis le... Un tweet fait 53 sorties, là. Mais bon, tout ça pour dire que Pierre Morin, c'était la Élodie Gagnon. Il veut pas l'avouer, je veux pas ici le dire que c'est lui, mais... Disons que sur Twitter, dès qu'on prononce le mot Élodie, il y a toujours un petit bonhomme sourire dans son tweet à lui. Fait que, tu sais, il l'avoue pas, mais bon. Tout ça pour dire que lui, c'est un employé de deux députés indépendants. Donc, les sept députés, pour revenir à la question originale, pourraient mettre ensemble leur budget minimum et dire, OK, on va avoir des crédits de recherche, on va avoir des employés pour nous autres. Donc, ça pourrait être ça. Mais là où je veux revenir pour l'effet domino. Là, c'est hier, ça a été confirmé, le 5 décembre prochain, élection partielle dans Bonaventure pour combler le poste vacant laissé par Nathalie Normando, l'ancienne ministre des Ressources naturelles. Donc, elle avait fait parler d'elle avec les pets de vaches qui étaient plus polluants qu'un puits de gaz de schiste. Miam. Ouais. Bon déjeuner. Ça, c'est bon appétit tout le monde. Donc, elle a démissionné tard à l'automne. Donc, il y avait 6 mois pour laisser pour remplacer son siège. Donc là, il y avait des prédictions. À savoir, s'il y a une partielle cet automne, il n'y a pas de général, d'élection générale. Parce que ça vient échéance en 2013. Mais on sait que il y a plusieurs obstacles qui s'offrent à Jean Charest d'ici les élections générales, dont François Legault. Et là, il est transformé en parti politique. Il n'y a pas encore de financement, il n'y a pas encore de structure, il n'y a pas encore de tête d'affiche pour ce parti-là. Donc, ça aurait été tentant pour Charest de déclencher une élection générale pour lui couper l'herbe sous le pied. Donc, avoir un 4 ans de plus pour dire à Legault, reste-toi, retourne dans ton chalet d'Outremont, et puis ça que nous patience. Ensuite, si... là, c'est une partielle, donc Legault va pouvoir se préparer pour les générales. Et selon les sondages, Legault va faire un raz-de-marée caquiste au Québec, tout comme la vague orange NPD le 2 mai dernier. Là, ça serait une vague legoïste, caquiste de droitiste. On est tellement conséquent au Québec, ça n'a pas de bon sens. Oui, hein? On vote à gauche un jour, on vote à droite le lendemain, tout ça pour se débarrasser des vieux routiers. Vive le Québec. Là, Jean Charest ne veut pas que Legault passe. Pauline Marois ne veut pas que Legault passe. Et un sondage est sorti en fin de semaine. Le seul pouvant stopper l'avancée de François Legault, c'est notre cher ami Gilles Duceppe. Là, ça grenouille au Parti québécois. Là, on voulait déjà la tête de Pauline Marois. Et là, le sondage vient confirmer que Pauline serait troisième avec le PQ si elle demeure en poste. Et si c'est Gilles Duceppe, le PQ serait premier. Serait majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est que ça que vous pensez qu'il dort bien depuis une couple de semaines? Ou au contraire, il frétille dans sa chambre tout seul. Il a déjà la coupe Stanley au bout de ses bras. Là. Mais oui, donc c'est là l'effet domino. La partielle sera le 5 décembre prochain, sera le test ultime pour Pauline Marois. Si le Parti québécois, parce que François Legault ne se présentera pas dans Bonaventure, il n'y aura pas de caquiste là. Donc, c'est une guerre encore entre PQ et libéraux. Si le Parti libéral gagne, c'est correct. Jean Charest bien content, mais Pauline Marois va être obligée de justifier sa défaite. Parce que Jean Charest est très bas dans les sondages, n'est pas populaire, et là, si on réélit un libéral, ça va mal. Et surtout, Bonaventure, ce n'est pas une forteresse libérale. C'est une forteresse péquiste, prise par un libéral en 2008. Donc, si même le PQ ne se fait pas élire là, Pauline Marois, elle est dans la chenoute. Si le PQ gagne, c'est un sursis pour elle. Ouais, c'est ça, c'est juste gagner du temps. Elle achète du temps avec ça. Et là, donc, tout ça pour que les élections générales, l'an prochain peut-être, est-ce qu'elle va démissionner, poussée de par Duceppe et de son équipe qui est en train d'infiltrer le Parti québécois parce que plusieurs employés du Bloc québécois qui ont perdu leur job parce que coupeur budgétaire au Bloc ont adhéré au Parti québécois dernièrement selon plusieurs sources. Donc, pas des petits membres, là, des technocrates, là, ceux qui ne vivent que de par la politique. Ceux qui ne peuvent pas vivre sans politique. Donc, eux autres ont infiltré le Parti québécois, tranquillement pas vite. Les autres veulent travailler. Là. Travaillent le terrain et leur dieu sauveur, c'est Gilles Duceppe. Donc, ils vont tout faire pour tasser Pauline Marois. Et c'est pour ça que depuis quelques temps, on faisait un calcul simple, c'est très démagogique de ma part, mais on le fait pareil. Ils ont perdu leur job il y a à peu près un mois. Et ça fait à peu près quoi, 3 semaines, 1 mois que ça brosse au PQ. Ouais. T'sais, c'est louche. Je veux pas faire de lien, là. Mais disons que ça grenouille fort au Parti québécois. Mais écoute, ce sont de très bons stratèges. Ils ont réussi à tenir un parti qui allait jamais prendre le pouvoir à Ottawa pendant des années. Fait que c'est sûr qu'ils sont capables de jeter quelqu'un dehors facilement. Surtout que la structure péquiste est ébranlée. C'est facile. Il y a une fissure dans le ciment de fondation du Parti québécois. Et eux s'infiltrent. Et ça peut juste s'effriter. Là aussi, où on va en venir... C'est Legault toujours va se structurer, va se financer en se créant un parti politique-là. Tout le financement qu'il y a eu sous le mouvement, parce qu'un mouvement, il n'y a pas de limite permise pour un plafond. Toi, tu peux récolter. Tu peux récolter comme tu veux. Donc, il y a plusieurs millions de dollars déjà en caisse. Donc, lui, il va tout transférer son avoir en, dans le parti politique. S'il avait entendu en 2012, il n'aurait pas pu transférer ça parce que c'est une autre année fiscale. Ah. Donc là, il fait là, dernière minute. Donc, les caquistes ont déjà plusieurs... ont des ressources financières. Des ressources financières. Et ils sont pas obligés de déclarer que, disons, un de ces financiers possède une chaîne de télé et un journal. Ou non, ils peuvent pas, non, c'est ça. C'est écrit sur le site Internet, de toute façon, leur nom. Il y en a, c'est anonyme, des dons anonymes. Ouais, c'est ça. On s'entend que c'est eux autres, c'est pas 50 cents comme dons, hein, que c'est anonyme. T'es fier, habituellement, de donner dans un parti politique. Donc, là, ça va mal pour Charest, Marois et Duceppe, ça va bien. C'est juste lui, ça va bien. Il est encore le rock. Mais s'il va au Parti québécois, s'il perd les élections générales, ça va. C'est la mort du parti. Là, c'est la mort du parti, tout simplement. Donc, Duceppe, oui, il festoie dans sa chambre, mais il doit quand même avoir un petit ulcère pour dire si jamais c'est pas moi le sauveur, si jamais c'est juste le parti qui est déficient. Mais Duceppe a recommencé à sortir en public parce que c'est quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'élection du 2 mai, même qu'il fuyait les médias. Et dernièrement, il est allé déjeuner avec Pauline Marois dimanche passé. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais souligner qu'il n'y avait personne en bas de 60 ans dans cette salle-là. C'est représentatif des membres du PQ. Ça, là-dessus, tu as tout à fait raison. Ça a des têtes grises et blanches avec des mèches mauves dans les cheveux. Mais aussi, tu parles d'un déjeuner commun, mais à l'origine, c'est Sylvain Simard, le député du coin, qui avait invité Gilles Duceppe à venir prononcer une conférence. Et là, il n'avait pas invité Pauline. Non, non, même pas sa chef. Oh. Et là, l'establishment péquiste a dit non, là, ça se fait pas. Là. T'es un député péquiste, t'invites Gilles Duceppe, t'invites Pauline Marois. Mmh. Et Sylvain Simard, c'est un béni oui-oui. Donc, c'est Mia Jdoub qui a dit pardon, Pauline. Oui, je vais t'inviter. Pardon, Pauline. Mais t'sais, disons que lui, il a déjà vendu son âme à Gilles Duceppe. Donc, c'est déjà fait. C'est même la risée au Parlement. Tous les journalistes le savent que c'est une moquette, cet homme-là. Donc, il s'est déjà à plat ventré devant Gilles. Oui, oh, oui, c'est voilà. Tel texto. Là, fort, j'ai fait des guillemets dans ma tête, là, mais c'est ça. Mm-hmm. Juste avoir son background, c'est une moquette sur laquelle on peut s'essuyer. D'accord. C'est le fun, ça? Uh-huh. Oui, merci. Uh-huh. Député de Richelieu. Donc, c'est loin d'ici, mais bon. Il n'entendra pas ça. Non, il n'entendra pas ça. À part les enregistrements sur Internet. Voilà. Mais par contre, un que j'aimerais qu'il entende, c'est notre cher député de Saint-Maurice, Claude Pinard, qui a fait une bourde cette semaine, mais deux pour... Il a fait sa deuxième en tentant de justifier sa première. Quel imbécile. Ça, là, ça, on peut le dire. Parce que pour ceux qui ne savent pas la controverse qu'il a faite, c'est il a sorti publiquement. Lui, c'est un fort en gueule. Il aime ça, parler fort, il est impressionnaire, c'est un vieux de la vieille. Il a une autorité morale indéniable. Et là, il a dit, si ça va mal au PQ, c'est parce que les Québécois ne sont pas prêts à voter pour une femme à la tête d'un État, donc premier ministre. Déjà, il s'attaque au modèle masculin-féminin en politique. On sait que c'est plus difficile pour une femme d'accéder à la politique parce que c'est un milieu d'hommes, c'est un milieu rude, mais oui. Plusieurs femmes réussissent juste à regarder le nombre de députés féminins au Parti libéral, le nombre de ministres féminins au Parti libéral. C'est un exploit en soi. Là. On est en 2012, puis enfin, il y a une équité, une parité entre hommes et femmes. Donc, félicitations pour ça à Jean Charest. C'est un très bon coup qu'il a fait de toujours privilégier la parité, du moins, dans ses ministères. Mais là, Claude Pinard, il a dit qu'on serait prêt à voter n'importe qui, sauf Pauline Marois, parce que c'est une femme. Et là, tout le monde, toutes les femmes... Ouch! Peu importe l'allégeance, ont sorti en cœur hier pour dénoncer ce propos-là, pour dire « va refaire tes devoirs, va réétudier ». Les femmes en politique sont là pour rester, puis les femmes en politique, même les hommes, sont prêts à voter pour eux autres. Là. Mais là, hier, pour s'excuser, il a dit « ouais, oui, les Québécois sont prêts à voter pour une femme, mais c'est un handicap avec lequel le Parti québécois devrait composer ». Là, on est en train de dire qu'être une femme, c'est un handicap. C'est une maladie, être une femme. Mon Dieu, hein? Ça, c'est Claude Pinard, député péquiste de Saint-Maurice, qui a dit ça hier pour se justifier. Donc là, ça tourne en boucle dans les radios. J'arrive pas à comprendre. On est en 2012, là. Ouais. Les femmes ont fait leurs preuves. Elles sont capables d'être meilleures que les hommes encore en politique. On va pouvoir commencer à utiliser le terme pinardiser quelque chose. J'ai pinardisé. Ouais, au lieu d'être un sexiste, t'es un pinardiste. Un pinardiste. Ouais, j'aime ça. Au lieu de dire je me suis mis le pied dans la bouche, je me suis mis le pinard bouche. Ah-ha! Dans la bouche. Ah-ha! J'ai essayé une fois de trop. Mais bon. Ouais. Une fois de trop, c'est correct. Chapeau. Merci. Donc là, c'est. En plus de faire ses niaiseries, de faire ses pinardises, oui. Il a... Pinardises, en passant, c'est un livre de... un livre de recettes. C'est un livre de recettes, hein? Ah, ben là... Ben bon, des fois, les mots changent de définition avec la terre. C'est ça. Oui. De Claude Pinardisé. Oui. On va appeler ça demain. Donc, lui a donné un ultimatum à Pauline Marois. Il lui donne 6 mois. Démissionne. Mais carrément. 6 mois en même temps, c'est très long. Hein? C'est en politique, une journée, c'est immense. Par exemple, Pauline, elle est découragée. Juste dans ses points de presse, elle s'endort devant les journalistes. Elle est épuisée. Puis ça a l'air d'une femme démolie. Je m'excuse. Je sais pas comment elle fait. Sérieusement, kudos, Pauline, parce que... Je serais pas capable. C'est soit l'orgueil. Qui la stimule, parce qu'elle pourrait devenir la première ministre. Ça arrivera pas. Écoute, quand même qu'elle voudrait, quand même qu'elle ferait tout. Je sais. Mais aussi, il y a un conseil général du Parti québécois en décembre. Est-ce qu'elle pourrait en profiter là pour dire, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire, ciao, bye. Un plus, ça serait le partout. Part of time, juste avant les fêtes. Parce que si elle dit à la prochaine fois, à la fin de sa phrase, elle va se faire rire encore plus. Ça, on parle de René Lévesque ici pour ceux qui ont compris. Et René Lévesque est mort cette semaine en 86. Elle a d'ailleurs été. Elle tente de se rapprocher de René Lévesque, de s'approprier les propos de René Lévesque parce qu'il y a beaucoup de lévesquistes encore au PQ. Et tous ceux qui adorent Lévesque devraient, en théorie, dans sa pensée à elle, adorer Pauline. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la caricature de la presse où on voyait justement Pauline avec son manteau avec plein de couteaux. Puis elle disait, vous n'avez pas fini avec moi, quelque chose du genre. Et on voyait tous les manteaux des anciens chefs du PQ. On ne voyait pas celui de René Lévesque qui est comme dans le fond. Puis il manquait, il y avait un crochet vide, celui de Jacques Pecza. Oh! Qui n'avait pas de non, couteau. Il n'a pas armé ses troupes, lui. Non, c'est il, ça. Ses troupes étaient assujetties. Oui. il a bien travaillé. Il a bien travaillé, certain. Donc, voilà pour l'effet domino qui pourrait se déchaîner. Donc, 5 décembre prochain, élection partielle, la bonne aventure. Parti libéral gagne, ça va mal pour Pauline. Si le Parti québécois gagne, c'est du sourcil acheté par Pauline. Gilles Duceppe, qui est le fantôme qui hante le manoir, Pauline. Et la DQ, est-ce qu'il présente un candidat? Ouais. Ils vont faire règle de présence, sûrement. Ouais. Ils vont être présents. Sûrement, parce qu'ils sont en train de négocier non officiellement avec les caquistes à savoir qu'est-ce qu'on fait. Les caquistes ne veulent pas avoir de députés. Pas tout de suite, parce que Legault aimerait bien ça être le premier élu caquiste. Donc, très imbu de lui-même. On voit son style, très égocentrique, très... Lui, est-ce qu'il aurait une chance de remporter des élections aussi? Pas à Bonaventure. Dans La Nausière, Laurentides, Montréal, oui. Mais en région, on oublie François Legault. Pour la DQ, ça va être le gérant de banque. Ça, c'est toujours lui qui se présente. C'est les candidats... Est-ce que c'est un jeu de mots de Monopoly parce que Legault passait Legault? Non, mais celle-là est bonne. Ouais, bonne. C'est bon, tu m'impressionnes. Quand t'es enrhumé, tu m'impressionnes. Merci. Il y a de quoi qui se passe dans le cerveau. Ouais. Le mucus side. Ou qui se passe pas. Comment t'as dit? Ou qui se passe pas. Non, c'est ça. Donc, merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. Landry. Oui. Landry. Bon, virgule François. C'est si dit. Si tu veux. Si je veux. Oui, je le veux. C'est dit à quelque part, là. Ouais, ouais, mais en tout cas. Ah, d'accord. En tout cas. Merci. Et puis à la semaine prochaine, jeudi à 8h30. Ouais, monsieur. Oui, c'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui, François, et pour la semaine au complet. Tout à fait. François Olivier, cette fois-ci, avec un trait d'union. Oui. Voilà. Et un CD aussi. Aussi le CD. Ouais, c'est vrai. Hey, t'as un peu, il y a deux affaires que je joue en même temps. Hey, c'est le party pogné, deux musiques en même temps. Lundi à 7h à l'émission, on a une émission plutôt chargée. On va accueillir quelqu'un de nouveau dans l'émission de lundi. François, probablement, peut-être pas ce lundi-là. Ouais, c'est ça, ça reste à confirmer. Okay. On vous garde une surprise. Je croyais qu'on était sûr. D'accord. Donc à 7h30, Kiwan en cavale en direct de l'Alberta. À 8h, ce sera la chronique. Kiwan. Avec Xavier Autoir. Et puis à 8h30. À 8h30, Nicolas Ducharme, journaliste à l'Écho de Trois-Rivières, qui va nous parler de sport. Oh oui, c'est lundi à 7h à Assemblage requis. Restez sur nos ondes dans quelques minutes. Ce sera la sécheuse, puis j'animerai Cénix.zip à 10h avec les chroniques Cénix de la semaine. À 11h, ce sera le dîner de con avec Danny Janvier, et je serai de retour après 6 degrés à 14h pour les palmarès C'est fou avec Marie-Pierre Laforge-Bourret et les 40 pièces les plus appréciées des animateurs de C'est fou. On va se quitter avec The Horrible Crows et la pièce Behold the Hurricane. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions, et sur cif.ca pour toute la programmation. Passez une excellente fin de semaine. Bye, François. Bye, Mathieu. Salut. Salut, Simon. Merci, Simon. Ouais, de rien. Merci, François. Bye, François-André. Merci. Bye. Merci à tous les autres chroniqueurs de la semaine. Et à vous d'avoir écouté, bien sûr. This house creaks. Like a memory haunts me now, as if it were a dream, as if it were a dream.